Ayant eu des nouvelles d'Annetta Marini par un courtisan de son mari, Clélia se décide enfin à entendre Fabrice. Lorsque celui-ci paraît dans la chaire, il était si maigre, si pâle, tellement consumé que les yeux de Clélia se remplirent de larmes à l'instant. Après un sermon qui déclenche les larmes de toute l'assistance, et en particulier de Clélia, Fabrice reçoit un billet de la jeune femme, l'invitant à la rejoindre le lendemain dans la nuit.